Ce signal de position indique qu'il faut marquer un temps d'arrêt à l'intersection et céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite.